Alina na leve o racanã. Isidó meteu a dona Esli. Pois dessa nova ilha fechou. E para o efeito fosse de piladier. Tout jambon si reconnaît dodo. Yo tout yo vini, yo tout veille là. Yo pas fou béni, yo bien content. C'est dodo par si dodo par là. Mais je dis pas jour comme tous les jours. Gendarme l'amène dodo à lui. Dodo kay paraît au tribunal. Je dis c'est pas jour comme tous les jours. Qui ça qui vivait dodo? Pour qui la loi d'ailleurs? Yo, yo dit tout GCG. Mais dans mon dernier gars. Et puis dodo, pas ni passer l'homme. Si ma joie n'y contient yo. Mais ça qui passait au souhaitant là. Personne ne peut pas dire comment ça fait. En carré, major tombé, Paris levé. Paris levé, mais je dis pas jour comme tous les jours. Gendarme l'amène et dodo à lui. Dodo caille par au tribunal. Je dis c'est pas jour comme tous les jours. Mais t'es tel,